Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française dont voici les principaux titres. Le Burundi totalise aujourd'hui 26 ans après la signature de la charte de l'unité. Certains habitants de la capitale Bujumbura s'indignent que les dividendes de cette unité ne sont pas assez palpables. Quant aux politiques, ils disaient que l'unité règne dans le pays, mais que ce sont les politiciens qui parfois la mettent en cause. Vous entendrez dans ce journal le sénateur Sylvestre Ntibantunganya et le porte-parole de l'UPRONA. Plus des mois après le début du deuxième trimestre, les leçons de cette tranche ne sont pas encore enseignées dans les premières années post-fondamentales pour certaines sections dans la province de Luyigi. Et la cause, ce sont les manuels scolaires pour enseignants qui ne sont pas encore disponibles. Et à Karusi, les autorités déplorent le manque criant des denrées alimentaires. Voilà pour le sommaire. Il y a de cela 26 ans, jour pour jour, les Burundais ont signé la charte de l'unité nationale. C'était le 5 février 1991. Certains habitants de la capitale Bujumbura regrettent que cette unité signée n'a pas été traduite dans les faits. Cependant, ils disent garder l'espoir que dans l'avenir, cette unité pourra prendre effet. Suivez-les. En réalité, je comprends la charte de l'unité nationale parce que j'ai grandi en voyant sa célébration. Nos grands-pères vivaient en paix avec leurs voisins, car ils l'avaient cherché. Mais aujourd'hui, vu la situation que le Burundi traverse, on peut croire que la charte de l'unité nationale se dit seulement en parole par nos politiciens, nos dirigeants, nos voisins, mais la population est divisée. Cette charte n'existe plus. Mais nous nous réjouissons et croyons peut-être que les choses vont changer. L'objectif de la charte de l'unité nationale était que les Hutus, les Tutsis et les Twa soient unis. Mais aujourd'hui, on parle d'ethnisme, de régionalisme. Quand un problème surgit, on pense à la division des Burundais. Moi, je pense que nous avons encore besoin de chercher la charte de l'unité nationale parce qu'il n'y en a pas. Si l'unité commence au sein de nos dirigeants, elle se parpillera dans tous les Burundais. Si nous comparons le passé et le présent, dans le passé les choses allaient mal, mais aujourd'hui les choses vont bien, même si ça boite quelquefois. Auparavant, certains de telles ethnies se discriminaient, mais aujourd'hui il y a un changement car il y a entraide entre les ethnies. Pour qu'il y ait amélioration, il faut un dialogue entre nos dirigeants pour construire notre chère patrie. Nous entendons parler de la charte de l'unité nationale. Certains nous la voyons, mais si nous faisons une comparaison dans les années passées, c'était venu au moment opportun. Il y a eu des troubles au pays, mais aujourd'hui, il y a une évolution parce que les familles s'unissent par un lien de mariage, quelles que soient les ethnies. Il faut que nos dirigeants ou les personnes habilitées fassent tout le possible pour que ceux qui ont fui le pays reviennent pour le construire. C'était là les habitants de la capitale Bujumbura et dans la sphère politique, le parti Prona trouvait que les Burundais vivaient dans l'unité. Selon le porte-parole de ce parti, c'est le comportement des hommes politiques qui la met en cause. Poncien Ndayishimiye demande aux gestionnaires de l'État de mettre en place le Conseil national de l'unité tel que le prévoit la Constitution du Burundi. Suivez Poncien Ndayishimiye, il est au micro de Placide Niyomungere. Nous faisons une appréciation positive de la situation de l'unité nationale. Nous observons sur les collines, les Burundais vivent dans l'unité. C'est une appréciation positive au niveau du parti UPRONA. Nous pouvons dire que les causes principales de la mise en cause de l'unité nationale sont de deux sortes. D'abord, il y a l'accession au pouvoir par les hommes politiques qui veulent accéder au pouvoir par la voie de la force ou en faisant recours aux divisions interethniques. Deuxièmement, c'est l'exclusion dans la gestion de la chose publique. Ici, on essaie de vous comprendre très bien. Vous, les Burundais vivent l'unité nationale, mais le problème réside au niveau de la classe politique et des hommes politiques. Quel est votre message par rapport? Par le passé, nous avons vu que les Burundais ont été divisés par les hommes politiques parce que ces derniers veulent accéder au pouvoir par des voies courtes. Petit message aux hommes politiques, c'est de mener une lutte politique légale en se conformant à la Constitution et aux autres lois de la République du Burundi. Lorsqu'il y a un malentendu entre les hommes politiques, il faut qu'ils fassent recours à des voies pacifiques. Je recommande également que la commission qui est prévue dans la Constitution, chargée de suivre la situation de l'unité nationale au Burundi, soit mise en place. C'est le Conseil national de l'unité. Ponsien Daïchimie, il est porte-parole du parti Prona. La charte de l'unité nationale avait l'objectif de trouver solution aux problèmes cruciaux qu'a connu le Burundi depuis son indépendance. C'est du moins l'explication de l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, qui a été membre de la commission chargée d'étudier cette charte de l'unité nationale. On l'écoute. Bon, évidemment, l'objectif était fixé, référence faite au drame que le Burundi avait connu depuis son indépendance. Les assassinats d'éminentes personnalités politiques que le Burundi avait mis en avant pour le diriger. Si je veux parler par exemple de l'assassinat du prince Louis Agassore, trois semaines à peine après la victoire de son parti en 1961, et je veux parler de l'assassinat de Pierre Ngendandoumé au début de l'année 1965, alors qu'il venait d'être nommé pour concrétiser des conclusions qui résultait d'ailleurs d'un congrès de réconciliation qui était tenu à Gitega en 1964 entre les grands leaders du parti UPRONA. Mais surtout, c'était suite au drame qui avait emporté des milliers de Burundais, voire des centaines de milliers de Burundais, notamment en 1972, et également des milliers de Burundais en 1988, lors de ce qu'on a appelé les événements de Ntega et Marangara. Tout cela a interpellé fort les Burundais et ceux qui aspiraient à le diriger ou qui le dirigeaient. Et c'est ainsi surtout qu'après les événements de Ntega et Marangara, il y avait eu des intellectuels hutus qui avaient écrit une lettre ouverte au major Pierre Buyoya qui dirigeait le pays alors et qui avait souhaité que cette question soit inscrite à l'ordre du jour. Il y avait également au sein de la classe politique des forces politiques qui agissaient. Moi, je me souviens qu'à l'époque, nous étions membres du parti Frodebou dans la clandestinité puisque nous étions créés depuis 1986. Qui également insistait sur cette question. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, Melchior Ndadaye lui-même avait été emprisonné à Gitega suite à des recommandations qu'il avait faites lors d'une réunion publique qui avait été tenue à Gitega. Alors tout cela avait amené et le pouvoir a finalement concédé qu'il soit mis en place cette commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale. Cet ancien président de la République indique que même si cette charte de l'unité a enregistré des avancées significatives, il y a eu des actes barbares 2 ans après le vote de cette unité nationale, notamment l'assassinat du président Ndadaye. Encore une fois, on l'écoute. Ça veut dire que la commission n'a pas poussé en profondeur dans l'exploration de ce passé burundais qui nous hantait et que nous ne parvenons pas à dompter jusque-là. Nous n'avons pas poussé parce que le travail de cette commission s'est fait alors qu'elle régnait au parti unique. Je me souviens que lors des colloques qui étaient organisés à travers le pays, pour justement la présentation du rapport que la commission venait de produire, mais également pour préparer les dispositions qui pourraient guider ou être contenues dans le projet de charte que nous avions à présenter, les Burundais nous disaient, écoutez, nous les paysans burundais, c'est pas nous, ce ne sont pas nous qui constituons le problème burundais. Le problème, c'est vous, les élites politiques. Si vous parvenez à vous mettre d'accord, nous sommes sûrs que les choses iront bien. Et effectivement, on a vu par exemple que lors des élections de juin 1993, les Burundais ont élu au suffrage universel un chef de l'État. Et ce chef de l'État, ce ne sont pas les Burundais lambda qui l'ont assassiné. Non, ce sont, l'assassinat a été conçu au sein des structures de l'État et au sein de ce qui constituait alors les forces armées burundaises, et, mais également visiblement couvertes par des responsabilités également d'ordre politique. Et c'est pourquoi nous devons aujourd'hui, où nous parlons de la vérité pour la réconciliation, être attentifs sur tous ces aspects. Nous devons nous rassurer que toutes les forces politiques sont impliquées dedans, qu'on a suffisamment travaillé sur le leadership, puisque après tout, ce sont elles qui finissent par influer sur les comportements des populations, comme nous l'avons vécu et comme nous le vivons d'ailleurs aujourd'hui. Sylvestre Ntibantunganya, il est sénateur et ancien président de la République du Burundi. La célébration de la fête de l'unité est prévue ce lundi. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Sur la page éducation, les leçons du deuxième trimestre de cette année scolaire ne sont pas encore enseignées dans les premières années post-fondamentales pour certaines sections dans la province de Luigi. Le directeur provincial de l'enseignement fait savoir que les manuels scolaires que les enseignants doivent utiliser ne sont pas encore disponibles et demande aux enseignants à poursuivre l'encadrement des élèves. Jean-Claude Chimilimana, correspondance. La quatrième semaine du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours a pris fin ce vendredi sans que les élèves des premières années dans les sections pédagogie et sciences sociales et humaines n'aient appris aucune leçon comptant pour ce deuxième trimestre au lycée communal Nyamutobo dans la province Ruyigi. Le directeur de cet établissement scolaire, Emmanuel Kabura, dit que les manuels scolaires appelés guides du maître qui contiennent les programmes et les contenus des matières pour ces sections ne sont pas encore parvenus au dit lycée communal. Il est indique que depuis que ce deuxième trimestre est commencé, certains enseignants s'occupent du renforcement de leçons du premier trimestre et d'autres poursuivent l'enseignement des leçons du premier trimestre qui n'avaient pas été achevées. À la question de savoir la matière qui fera objet d'évaluation pour ce trimestre, Emmanuel Kabura dit qu'il ne sait rien encore, mais il indique qu'il va se conformer aux injonctions de ses supérieurs hiérarchiques. Le directeur provincial de l'enseignement à Ruyigi, Bernard Gasigaye, fait savoir que le problème est le même aux autres établissements scolaires de la province qui organisent les premières années post-fondamentales dans ces sections, puisque le ministère habilité n'a pas encore rendu disponibles ces manuels scolaires indispensables pour le début des enseignements. À cet effet, il demande aux enseignants à poursuivre l'encadrement des élèves dans ce qu'ils peuvent en attendant la disponibilité de ces manuels scolaires. Vous saurez que 20 jours de classe se sont déjà écoulés sur un total de 64 prévus par le ministère ayant enseignement dans ses attributions. Jean-Claude Nshimilimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Chimilimana. Sur la page commerce, le manque de denrées alimentaires de première nécessité dans les ménages et au marché de la province Kaël aussi inquiète les autorités de cette province. Pour faire face à ce problème, le cabinet du gouverneur a ordonné à tous les administrateurs et aux directeurs provinciaux de l'agriculture et de l'élevage de mettre à la disposition de la population des semences de légumes. Correspondance signée Pascal Blaise Kalaroumi. Dans la plupart des marchés de Kaël, et plus particulièrement ceux de Bouhiga et du chef-lieu de la province, les denrées alimentaires de première nécessité sont très rares et celles disponibles sont plus chères. Au marché de Bouhiga, par exemple, on y trouvait ce mercredi seulement des tas de patates douces ou bien des tas de pommes de terre qui sont vendues à raison de 500 francs par tas et il n'y a plus de paniers de patates douces de pommes de terre comme d'habitude. Un petit bassin de patates douces se vendait ce mercredi même à 7000 francs ou 8000 francs alors qu'il s'achetait 1500 francs à 2000 francs et celui de pommes de terre à 8000 francs alors qu'il était à 4000 francs le mois passé. Les régimes de bananes sont presque totalement absents que les ménages n'en consomment plus actuellement, indiquent les habitants retrouvés sur place. Ils affirment que même le peu de quantité de denrées alimentaires qui arrivent au marché sont amenées par des commerçants et non par des cultivateurs qui les ont produits. Les responsables administratifs ont rencontré et confirment qu'ils observent actuellement un manque criant de denrées alimentaires dans les ménages. Au cabinet du gouverneur, le conseil principal indique qu'ils ont demandé aux administrateurs communaux qu'en collaboration avec la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, qu'il faut aller chercher les semences des légumes et les disponibiliser pour leur population. Il signale que le cabinet est aussi en train de chercher des boutures de patates douces dans d'autres provinces. Il dit que cela a été même expliqué aux responsables des ONG en opération dans la province en vue de solliciter leur intervention pour faire face à cette disette. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kalaroumié pour la radio Sanganiro. Merci à Pascal Bézé-Kalaloumié. Parlant toujours de l'agriculture, le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage Arumongué appelle la population de cette province à se préparer pour la saison culturelle B après l'échec de la saison culturelle précédente suite aux intempéries climatiques. Reportage signé Jean-Pierre Misago. Le maïs et le haricot, surtout semés dans la plaine de Limo au début de la saison culturelle A, ont donné de très mauvaises récoltes. Par endroits, les cultures ont séché suite à une longue période d'ensoleillement et les chenilles foreuses, de même que les pucerons noirs, en ont profité pour ravager les cultures. Dans la partie Imbo de cette jeune province, les récoltes ont chuté jusqu'à 45% selon Abel Ndaïchimier, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumongué. Les cultivateurs ne devraient pas se décourager pour autant, poursuit Abel Ndaïchimier, qui leur conseille de préparer sérieusement le semis pour la saison culturelle B en privilégiant le manioc, les patates douces et les colocases résistant à une longue période d'ensoleillement. Par ailleurs, les cultivateurs doivent se munir des produits phytosanitaires qui ne sont disponibles que chez les privés. De son côté, le gouvernement burundais a déjà disponibilisé l'engrais subventionné et chaque cultivateur qui paie la totalité du coût de l'engrais commandé peut le récupérer dans sa zone d'habitation, selon le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumongué. Jean-Pierre Misago de Rumongué, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. C'est sur cet élément qui concerne l'agriculture que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Le Burundi totalise aujourd'hui, 26 ans après la signature de la charte de l'unité, certains habitants de la capitale Bujumbura s'indignent que les dividendes de cette unité ne sont pas assez palpables. Quant aux politiques, ils disent que l'unité règne dans le pays, mais que ce sont les politiciens qui parfois la mettent en cause. Vous avez entendu dans ce journal le sénateur Sylvestre Ntibantunganya et le porte-parole de l'UPRONA. Plus d'un mois après le début du deuxième trimestre, les leçons de cette tranche ne sont pas encore enseignées dans les premières années. Poste fondamental pour certaines sections dans la province de Luigi. La cause, ce sont les manuels scolaires pour enseignants qui ne sont pas encore disponibles à Karusi. Les autorités déplorent le manque criant des denrées alimentaires. À 13h14, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Yeah.